Allumez la machine, c'est simple comme bonjour. Tournez la manivelle d'un quart de tour. Enfin lancez le compte à rebours. 5, 4, 3, les monstres à bois. C'est nous les héros.